Sans toi, je suis seul. Sans tes bras, je suis seul. Sans ta jolie voix, je suis seul. Sans ton amour pour moi, je suis seul. Sans ton sourire, je suis seul. Sans tes soupirs, je suis seul. Sans ton désir, je suis seul. Sans notre avenir, je suis seul. Sans tes tendresses, je suis seul. Sans tes caresses, je suis seul. Sans tes fesses, je suis seul. Sans ton ivresse, je suis seul. Sans toi, je veux partir. Sans toi, je veux mourir. Quand tu t'en vas, j'imagine le pire. Alors reviens, je t'en supplie. Car sans toi, je veux partir. Sans toi, je veux mourir. Quand tu t'en vas, j'imagine le pire. Alors reviens, je t'en supplie. Sans ta chaleur, je suis seul. Sans ton odeur, je suis seul. Sans tes ardeurs, je suis seul. Sans ta douceur, je suis seul. Sans tes mots, je suis seul. Sans ta libido, je suis seul. Sans nos nuits au chaud, je suis seul. Sans toi qui me trouves beau, je suis seul. Sans ton sexe, je suis seul. Sans tes rêves complexes, je suis seul. Sans tes dires qui vexent, je suis seul. Sans tes durex, je suis seul. Sans toi, je veux partir. Sans toi, je veux mourir. Quand tu t'en vas, j'imagine le pire. Alors reviens, je t'en supplie. Car sans toi, je veux partir. Sans toi, je veux mourir. Quand tu t'en vas, j'imagine le pire. Alors reviens, je t'en supplie. Sans tes DVD, je suis seul. Sans tes manières de bébé, je suis seul. Sans tes talents cachés, je suis seul. Sans tes décolletés, je suis seul. Sans tes dessins, je suis seul. Sans ton destin, je suis seul. Sans tes seins, je suis seul. Sans tes mains, je suis seul. Sans ton chat atteint du sida, je suis seul. Sans tes lèvres contre moi, je suis seul. Sans les mots dits tout bas, je suis seul. Sans ton avenir avec moi, je suis seul. Sans toi, je veux partir. Sans toi, je veux mourir. Quand tu t'en vas, j'imagine le pire. Alors reviens, je t'en supplie. Car sans toi, je veux partir. Sans toi, je veux mourir. Quand tu t'en vas, j'imagine le pire. Alors reviens, je t'en supplie. Car sans toi, je veux mourir. Sans toi, je veux partir. Sans toi, je veux mourir.